Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 13. Histoire de la robotique. La biologie synthétique. Plus récemment, les OGM ont été le résultat de méthodes plus directes. Pour obtenir ces nouvelles espèces, on a modifié directement et artificiellement le programme génétique d'espèces existantes. Les exemples d'instrumentalisation du vivant deviennent de plus en plus nombreux. Pour n'en citer que deux, la création d'une bactérie transgénique qui produit de l'insuline humaine, ou plus récemment, des animaux usines comme, entre autres, une chèvre produisant dans son lait une fibre ultra légère à base de protéines de soie d'araignée, utilisable par l'industrie textile. Dans la catégorie plus ludique ou artistique, un lapin fluorescent a été créé, en 1998, pour l'artiste brésilien Eduardo Cac. On imagine aisément des enfants de l'an 2010, tout fous d'avoir un tel animal de compagnie. On connaît également des réalisations expérimentales hybrides entre le biologique et la robotique normale, comme un robot commandé par un cerveau de l'emploi annoncé en novembre 2000. Fin de cette 13e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.